François Morel, nous sommes tout de suite, c'est à vous. Bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne ferai pas de chronique. Je n'ai pas eu le temps de l'écrire. Hier, j'étais à Sète, où j'ai passé ma journée entre le théâtre Molière, l'espace Georges Brassens et le restaurant The Marcel. Et j'ai décidé d'interviewer un spécialiste à sa manière, en l'occurrence, Dominique Besnéard. Dominique Besnéard, d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. Dominique, on vous connaît, vous avez longtemps été directeur de casting avant d'être agent artistique, puis producteur. J'avais donc envie de vous demander quel était votre sentiment sur le casting du nouveau gouvernement. Je veux bien donner mon sentiment, mais je le préviens tout de suite. Je ne vais pas parler de Ségolène, j'ai trop morflé. Non, je comptais plutôt vous demander votre sentiment sur les nouveaux arrivants. Mon sentiment, c'est que c'est du lourd, du très très lourd. Sur la même affiche, deux vedettes de la trempe de Valls et Hérault, ça ne va pas être facile. Ils se détestent. Je souhaite bien du courage à François Hollande pour les faire jouer ensemble. Ce n'est pas un metteur en scène qu'il faut, c'est un dompteur. À mon avis, Valls et Hérault dans le même film, ça se dirige à la schlag. Mais je ne suis pas sûr que ce soit trop dans le style de Hollande. Vous pensez que ce sera difficile de les faire travailler ensemble? Non, mais vous rigolez? Non, mais bonjour les fauves, autant faire jouer Depardieu avec Toretton. Hérault et Valls, ils se détestent autant que Marilyn Monroe et Tony Curtis dans certains Lemso. Tony Curtis avait dit « Embrasser Marilyn, c'était comme embrasser Hitler ». Vous voyez l'ambiance. J'espère qu'entre Valls et Hérault, il n'y aura pas de scène de baiser. Qu'est-ce que vous pensez, Dominique, de l'arrivée de Jean-Vincent Placé? Entre nous, je préfère vous parler de Jean-Vincent Placé que de Ségolène, parce qu'avec Ségolène, ça a vraiment été agressif. J'en suis sorti tout déboussolé, tout ombrageux de cette histoire. Si vous me permettez l'expression, j'en ai scié des ronds de chapeau. Justement, c'est pour ça que je préférais vous parler de Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, ça faisait un moment qu'il voulait décrocher un rôle. C'est pas le personnage principal, c'est sûr, mais il est quand même sur la fiche. Il est chargé de la simplification. Je suis pas sûr qu'il soit trop doué pour la simplification, lui qui avait quand même accumulé 20 000 euros de prunes. Enfin, des erreurs de casting, ça serait pas la première fois. Entre la pèlerin à la culture incapable de citer un bouquin de Modiano et El Khomri au travail qui sait pas combien de fois on peut renouveler un CDD, et Ségolène. Non, je l'ai déjà dit, je l'ai bien précisé, je veux pas parler de Ségolène, j'ai trop souffert. Non, je voulais parler de Ségolène Neuville, chargée de la lutte contre l'exclusion. Ah d'accord, non mais je peux pas connaître toutes les actrices, c'est violent comme univers. Il y a plein de petites starlettes qu'on connaît pas trop, qui restent ou qui sortent, ou qui sont remplacées par d'autres petites starlettes qui rentrent et qu'on aura oublié dans 3 mois. Le gouvernement, c'est « Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir », un film de Philippe Clair. Un sacré navet entre nous. D'ailleurs, je suppose que c'est l'odeur du navet qui a attiré certains écologistes. Merci Dominique Besnéard. De rien, puis je suis content, on n'a pas trop parlé de Ségolène. François Morel et son invité surprise, mais je pense que vous étiez dans les deux rôles, mon cher François. En duplex de France Bleu Hérault à Montpellier, à vendredi prochain.